Voulez-vous en savoir plus? Éliminez Jean-Philippe, opticien, fin de droit, tapez 33. Roulez malin, roulez rien. Un raz de marée sur les prix des sushis fait 200 000 victimes au Japon. Faites comme eux, gonflez vos chiens. Pour changer de sexe, et manger de l'atrazine. Pour éliminer Jennifer, je meurrai durée de 69. Pour éliminer Nicolas, voulez-vous en savoir moins? La vie tue. Vous voulez gagner du temps? Mourez dès maintenant. Marre de payer vos factures? Marre de réserver votre air? Courez dès maintenant au grand crématoire le plus proche du chef. L'alcool finance les écoles. Vous aussi soutenez le grand projet de l'alcool. Vous êtes un plancton libre qui flotte. Il ne faut pas coudre son anus pour prendre du poids en plus. Rien ne vaut mieux qu'il fasse mieux. Rien ne sert de courir. Courir.